Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage. Une série de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a ces histoires complexes qui ne passent pas et des commémorations toujours cuisantes pour ceux qui ne veulent pas réparer. Et il y a surtout l'esclavage comme un système cruel sur lequel est fondé le capitalisme et dont les traces sont partout pour qui veut bien les voir. Alors pour commencer, les personnages. Un cultivateur face au charançon, un béquet qui vend des pesticides, un historien qui nuance, une cultivatrice qui veille, des syndicalistes résolus, des enfants contaminés, un cultivateur qui veut réagir, des agriculteurs haïtiens et des jeunes qui s'en vont. Ensuite, le décor. Des bananeraies, un sol toxique, un lobby puissant, un système séculaire, la colonisation, l'endogamie, les jardins, l'épée de Damoclès du cancer, des plaintes, des études, des pubertés précoces, un jour de marché, des privilèges hérités, du commerce à tout prix, mai 67 et une autarcie impossible. Aujourd'hui, 4e épisode, on marche dans les feuilles sèches. On se trouve au Mont Salé, à Capesterre-Belleau, sud Basse-Terre. Là, ici, vous avez cultivé de la banane quand, depuis quand? Ça fait 4 ans que j'ai abandonné l'exportation. Et maintenant, je fais de la banane pour le marché local. De la banane plantée. Combien vous avez d'hectares ici? Un demi-hectare. Jusqu'à la mer. Ça, c'est des charançons. Venez voir, un pied qui est tombé. Le charançon se trouve là. Il bouffe les racines des bananiers. Et quand il y a un coup de vent, le bananier tombe. Le charançon a attaqué le... Toutes les racines. Vous voyez? La racine du bananier. Le charançon qui les tue, qui les bouffe. Vous voyez? Il y a une seule racine vivante là, c'est celle-là, la blanche, ouais, celle-là. Vous voyez? Toutes les racines devaient être comme ça. Il suffit de les pousser, on voit quand ça tombe. Donc on mettait un insecticide là. On utilisait le produit, on mettait alentour du bananier. Le chlordécone, pesticide organochloré de première génération, est breveté par des chimistes américains en 1952 sous le nom de Kepone. En France, il est présenté en 1968 devant la commission des toxiques qui le refuse à plusieurs reprises pour sa grande persistance et sa forte toxicité chronique. Jusqu'au 29 février 1972, où une autorisation provisoire est délivrée par le ministre de l'Agriculture Jacques Chirac pour lutter contre le charançon du bananier aux Antilles. Les producteurs locaux ne cesseront plus de l'utiliser. Pourtant, dès 1975, à l'usine d'Hopewell aux États-Unis, où la molécule est synthétisée, on a observé que sur 113 employés examinés, 62 sont contaminés par le Kepone et développent d'importants troubles neurologiques. L'Agence de protection de l'environnement écrit: le pesticide couvre le sol, les machines, le terrain proche du bâtiment et jusque dans les salles réservées au repas des employés. La James River et la baie voisine de Chesapeake, le plus grand estuaire américain, sont également infestés par la molécule. L'usine est aussitôt fermée et condamnée à une amende record de 13 millions de dollars. L'utilisation du chlordécone est interdite aux États-Unis dès 1977. L'Académie des sciences concède alors: le Kepone provoque une toxicité à effet cumulatif et différé. Il est neurotoxique pour les humains et cancérigène pour les rongeurs. Cette affaire constitue le plus gros scandale environnemental de la fin des années 70 aux USA. Suite au passage du cyclone David en 1980, une forte recrudescence parasitaire est observée par les planteurs de bananiers. En 1981, la France va décider d'autoriser la commercialisation du chlordécone sous le nom de Curlone, par dérogation pour les seules Antilles, et ce, jusqu'en 1993. L'INRA nous disait, pour ne pas accoutumer la bête, d'échanger. À certains moments, on mettait du Kubokap, après on mettait du Curlon, et à chaque fois, il fallait échanger. Le Curlon, c'est le chlordécone? Le chlordécone, oui. C'était le plus puissant. Le thymique aussi. Tout ça, c'est des pesticides? Des pesticides, oui. Et vous, vous les avez utilisés ici? Oui, j'ai utilisé. Les techniciens nous disaient, il fallait mettre ça tous les 3 mois. Pour avoir de la banane, il faut en mettre tous les 3 mois. On n'avait pas d'autre solution. On voulait produire, et quand on produisait, on avait de l'argent, quoi. L'INRA nous disait qu'il faut passer à 50 tonnes d'hectare. 50 tonnes d'hectare? Oui. Pour l'exportation, c'était? Pour l'exportation. Il fallait avoir beaucoup de tonnage pour que ce soit rentable. Et quand est-ce qu'on vous a informé qu'il fallait arrêter avec le chlordécone? Comment dire? Mais on le savait, mais on ne le disait pas ici. Les techniciens ne le disaient pas. Mais beaucoup de gens de l'État le savaient avant. Ça a été interdit en France, mais ils ont écoulé le stock ici. Hein. 3 kilos de chlordécone épandus par hectare et par an ne s'élimineraient totalement des sols qu'au bout de 7 siècles. Sa persistance et son accumulation dans l'organisme seraient plus néfastes pour l'être humain que le glyphosate, par exemple. Aujourd'hui, plus de 9 Antillais sur 10 présentent des traces de chlordécone dans le sang. Et c'est en Martinique que l'on constate le taux le plus élevé au monde de cancer de la prostate. Je savais que c'était un poison. Je me rappelle, on plantait de la banane et à Goubert. J'ai cimé comme ça là. Il y a un oiseau qui est venu, qui a pris une graine. Et quand il est arrivé dans cette hauteur là, il est tombé. Et quand j'ai été le chercher, il était déjà raide. Il était mort? Nous sommes morts, mais il est raide. Donc c'était puissant, on est puissant, bref. Le chlordécone, un polluant néocolonial. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et d'Ifi Mariani. Alors ici, nous sommes au François, en Martinique bien entendu, et en face vous avez les îlets. André Lucrèce. Ce sont des fonds blancs, autrement dit vous avez pieds. Vous pouvez vous baigner, donc c'est très agréable. Alors là, nous sommes, c'est l'une des baies du François. Une des baies d'ailleurs polluée par le chlordécone. Parce que vous avez dû voir, vous avez toute une série là-haut, là, de bananeraies. Donc on a utilisé le pesticide dans ces bananeraies. Et avec l'eau des rivières, tout ça ruisselle vers la mer. Donc cette baie que vous voyez là, c'est une baie où il y a interdiction de pêcher, à cause précisément de la présence du chlordécone. C'est une chose assez étonnante, n'est-ce pas, de voir comment la personne même qui produisait ce produit était aussi un Martiniquais. Et un Martiniquais, donc, du François. Alors que toutes les baies du François sont interdites à la pêche. Et donc il y a une sorte de retournement de l'histoire. Ironie du sort, la banane ne semble pas touchée par la molécule, ou à des taux fixés en deçà du seuil de détection. Le poison se concentrant sur les systèmes racinaires, il voyagerait mal par la sève, en raison de son peu d'affinité pour l'eau. C'est ainsi qu'on trouverait peu de chlordécone dans les arbres fruitiers. C'est sous la pression du lobby bananier que le pesticide fut autorisé jusqu'en 1993 aux Antilles, au nom de la santé économique de la Martinique et de la Guadeloupe. Le chlordécone était alors commercialisé par l'entreprise Lagarigue, dirigée par Yves Ayotte, l'aîné de l'une des plus puissantes familles béquées des Antilles, ces blancs créoles descendants des colons. L'histoire se répéterait-elle? La hiérarchie socio-raciale et économique antillaise n'ayant pas été révolutionnée, on retrouve les mêmes acteurs ou presque. Au XVIIe siècle déjà, avec l'édification du Code noir aux Antilles, la France ouvrait un processus de dérogation juridique. Un droit pour la métropole, un autre pour les colonies du royaume. Ainsi, comment la dérogation offerte par la France au béquet quant à l'utilisation d'un poison dont personne ne pouvait ignorer les dangers ne pourrait-elle pas être vécue comme le signe de la permanence d'un système ? Un système à la violence certes plus sournoise, mais toujours centré sur l'exploitation des richesses naturelles d'un territoire, au mépris de sa population. La colonisation s'est faite à partir, non pas de l'État français proprement dit, mais à partir d'une série de sociétés qui étaient reconnues par l'État et qui s'appelaient des compagnies. Par exemple, la Compagnie des îles d'Amérique. Et l'occupation de la terre, parce que c'est de ça qu'il faut partir, se faisait par ce qu'on appelle des concessions. Évidemment, ces concessions vont devenir des concessions de maîtres, puisque les maîtres en question vont acheter des esclaves, les mettre au travail, et c'était des concessions qui étaient essentiellement sur le littoral. C'est là où il y avait les meilleures terres, on ne rentrait pas encore dans la forêt, etc. Et à partir de ces concessions, vous avez une partie de la population donc, qui est propriétaire terrienne. Et cette partie de la population, ce sont les maîtres, ce sont les béquets. C'est une communauté qui vit de manière autarcique. Justin Daniel. Qui n'entretient pas de relations directes avec les autres Martiniquais, sauf dans le cadre du travail. L'espace privé béquet reste inaccessible aux autres Martiniquais. Pour le dire de manière métaphorique, on dit souvent que le béquet peut venir chez un nègre, mais l'inverse n'est pas vrai, sauf s'il travaille comme domestique chez le béquet. Communauté donc, pas simplement autarcique, mais également endogamique. Pour pouvoir prétendre à la qualité de béquet, il ne faudrait pas que le sang ait été souillé quelque part par des personnes de couleur. Et quelqu'un, un béquet, qui se marie avec quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté, perd cette qualité-là. C'est un héritage, quoi. Ils ont toujours fonctionné ainsi. Donc, tout ça s'accompagne, bien évidemment, de la volonté de ne pas se mêler avec les autres Martiniquais de façon à conserver sa situation de privilégié. Au XIXe siècle, par exemple, les béquets détenaient plus de 50% des grandes propriétés à la Martinique. Aujourd'hui, je pense que c'est encore le cas, même si, entre-temps, il y a eu quand même des évolutions. Il y a eu des plantations qui ont été démembrées, qui ont été revendues, ce qui a permis à des personnes qui n'appartiennent pas à la communauté des béquets d'accéder à la propriété. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est les meilleures terres sont encore détenues par les béquets. Ils représentent à peu près 1% de la population, c'est ça aujourd'hui ? Je dirais entre 0,7 et 1%, mais ce n'est qu'une estimation. Ils ne sont pas plus nombreux que ça. De l'oignon, du persil, du thym, il y a des concombres, choux pommés, tomates, laitue. Il y a un peu de tout. Le problème du chlordécone, vous connaissez ? Oui. Chez nous, on n'en a pas parce que nous, on habite au Mont-Nevers. Nos produits se font au Mont-Nevers, alors on n'a pas de problème. On est déjà venu faire les contrôles sur la terre. On prend le produit, on analyse tout, il n'y a pas de problème. Là où c'est historiquement intéressant également, c'est que ça remet en scène les rapports hérités de la période coloniale, puisque dans l'imaginaire collectif, c'est quelque part perçu comme, entre guillemets, j'utilise des guillemets bien évidemment, un empoisonnement collectif plus ou moins organisé par les béquets qui sont encore une fois très présents dans le monde agricole, qui ont contribué à importer ces produits de côté, et puis de l'autre, l'État qui a donné son accord. Alors, même si ce n'est pas nécessairement vrai, mais en tout cas, c'est perçu ainsi par une bonne frange de la population. Donc, ça réactive la vieille question coloniale qui n'est pas totalement soldée, si j'ose dire, dans un territoire comme la Martinique. On a contrôlé votre terre ou les légumes à chaque fois ou... On contrôle la terre et on prend les légumes pour contrôler aussi. Ils viennent avec leur bâche et puis ils nous montent et puis ils prennent le produit pour... Et ils viennent souvent ? Chaque année. Ça gêne pas, les gens gardent confiance quand même, même s'il y a beaucoup de chlordécone dans les terres de Martinique. On a confiance quand même. On a confiance. Comme le chlordécone, il était épandu sur le sol. Donc les nappes phréatiques, les rivières, maintenant la mer, donc ont été touchées, mais aussi donc les plantations, les animaux d'élevage, etc. En fait, c'est toute la chaîne alimentaire qui est touchée. Philippe Verdol. J'ai un ami à Capesterre qui m'a dit que il y a une analyse de son sol qui a été faite par le programme JAFA, donc c'est une analyse officielle, l'analyse du jardin familial de ses parents. Donc au lieu de sortir des légumes contaminés à 20 microgrammes, il sortait des légumes qui étaient contaminés entre 3000 et 4000 microgrammes, jardin familial. Le père, on venait de l'enterrer de cancer de la prostate. Eux, ils avaient toujours mangé des végétaux de ce jardin. Et leurs enfants, ils les avaient nourris aussi avec. Et l'étude Kaoui Prostate montre que c'est à peu près après 30 ans d'exposition que le cancer apparaît. Donc, ils sont en train de se regarder, là, ils se demandent à qui le prochain, à qui le tour. Donc les jardins familiaux, c'est un problème très sensible ici. Les gens se demandent, qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce qu'on peut manger? Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de traçabilité, c'est l'opacité. Tu manges ce que tu veux. Et puis, les Arabes diraient Inch'Allah. Et puis, bon, si tu as une foi quelconque, tu pries ton Dieu et tu manges. Les langues Saint-Délie et les camarades sont là. Là, j'ai quelques dossiers des camarades qui ont osé. Et ensemble, on va constituer des dossiers pour qu'on puisse justement, d'une part, saisir le tribunal pour s'en prendre aux empoisonneurs, les patrons de la banane. Et ensuite, un deuxième temps au niveau l'État. Union locale de la CGT Guadeloupe, Capesterre. Donc lui, là, quand c'est la prostate, il pourra témoigner, vous. Bon, moi, c'est Théodore Gisner. Moi, je suis ouvrier agricole qui travaille 18 ans dans la banane. Il a travaillé 18 ans dans la banane, il est maintenant à la retraite. Maintenant, à 65 ans, il fait prise de sang, il dit me fait prostate. À l'âge de 65 ans, il a été faire une prise de sang et là, on lui a dit qu'il a le cancer de la prostate. Ce n'est pas moi seul qui est victime, moi, ni un collègue, nous travaillons même côté, les victimes aussi, nous tous les faisons prostate. Il n'est pas le seul, il y a un de ses collègues qui est aussi dans le cas, et notamment il y en a un autre aussi qui est en France, hospitalisé aussi, assez gravement, malade. Alexis Louisy, François Wilbert et plus Théodore Gisnel. Donc ils sont à toi. Nous ne savons pas comment le produit a été dangereux. Patron, lui-même, l'elba où mettez le produit là, il n'y a pas ni masse, il n'y a pas ni gants, seulement le baoul, il n'y a pas de baoul, il n'y a lui imposait d'effectuer l'épandage. Sans gants, sans masque, donc avec tous les risques que cela comporte. Ça fait que tout l'homme, regardez qui j'en la Guadeloupe, mais tout travail qui travaille dans la banane, tout empoisonné, parce que tout est là empoisonné, c'est là nous manger, c'est là nous boire de l'eau, tout empoisonné. Pour lui, tous les travailleurs de la banane sont donc contaminés par le chlordécone, parce que c'est là où on travaille, dans cette terre empoisonnée, l'eau qu'on boit, donc séparément, les jardins créoles sont aussi donc plantés dans cette terre empoisonnée. Là, nous-mêmes, nous demandons, il faut que la loi française, lui-même, prenne canon en charge parce que, pour moi, les malfaits examen, il y a des examens, ils ne prennent pas 4 vitales. Nous sommes fait un examen, ils prennent 69 euros dans même. L'État doit prendre ses responsabilités. Il a dépensé 69 euros qui n'ont pas été remboursés. Il n'a plus les moyens pour payer chaque fois le spécialiste 69 euros qui ne sont pas remboursés. Et jusqu'en quelle année vous avez travaillé la banane? 2015. 2015. Et en 2015, vous répandiez encore du chlordécone? Oui, ce produit-là, du coup, 80 bananes, faut toujours qu'à utiliser ce produit-là, c'est ça, je m'en fais. En fait, il y a deux grandes études qui ont été faites concernant la santé, publiées par l'INSERM. Une étude qui s'appelle Karui Prostate et une étude qui s'appelle Timoun, ce qui veut dire enfant en créole. Alors, à 7 mois, on constate différents effets, notamment sur la motricité fine, difficulté par exemple pour l'enfant de faire la pince avec ses mains, de tenir un cube, par exemple le cube tombe, diminution de la mémoire visuelle à court terme, et on constate aussi que ces centres d'apprentissage aussi ont été touchés. Ils ont une perte de quotient intellectuel qui va de 10 à 20 points, c'est-à-dire que on a peut-être une génération d'idiots qui est en train de monter. Donc des enfants qui perdent de 10 à 20 points de QI. Bon, je ne sais pas si vous voyez la dégringolade, quoi, mais bon, voilà. Par son aspect perturbateur endocrinien, il y a plein de choses qui peuvent en découler, hein, puisque ce sont toutes les hormones qui peuvent être modifiées. Et on observe, par exemple, aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, des pubertés précoces. D'après un pédiatre martiniquais qui est professeur au CHU de Fort-de-France, le professeur Mbou, M-B-O-U, après avoir étudié les pubertés précoces en Martinique à son service, donc pendant 20 ans, il apparaît pour lui que les pubertés précoces sont 10 fois plus nombreuses en Martinique qu'en France. Et sa plus jeune patiente pubère, elle avait 2 ans et demi. Le chlordécone, donc, il a 4 caractéristiques. Il est cancérogène pour l'homme, il est perturbateur endocrinien, il est spermatotoxique et il est neurotoxique. Donc, il y a probablement un lien avec le développement des maladies de Parkinson, d'Alzheimer, qui se développent ici. Le chlordécone, c'est plus sous nous dans le nord. Nous avons beaucoup plus de plantations, d'habitations. Et maintenant, on commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes malades par rapport au chlordécone. Alors, ce week-end, on a perdu quelqu'un encore qui travaillait dans la bananerie. Et puis, il a eu un cancer des poumons et il est décédé. Mais bon, je sais pas. Ils font des recherches pour arrêter. Mais nos terres sont vraiment, vraiment, vraiment... malade de ce truc, hein. Ils vont beaucoup traiter, mais on pense que ça va pas se détruire de sitôt, hein. On aura toujours ce problème-là encore des années et des années. Hein. J'ai ma belle-mère, elle est morte du cancer du poumon, et encore mon voisin, là, il est mort encore du cancer du poumon. Ils étaient tous les deux dans le même travail, ils faisaient la même chose, hein, la banane. Hein. En plus, c'est même pas en... qu'on consomme les produits, c'est des fois c'est le traitement, l'odeur, c'est par rapport à la respiration aussi des produits. Hein. Eux, ils manipulaient le chlordécone. Voilà, ils faisaient des traitements tout le temps, surtout le matin très tôt. Donc, quand on commence à travailler aux environs de 4h du matin, à ce moment-là, la bananerie commence déjà des fois à transpirer, à rejeter l'odeur de ces produits-là et bon, entrer en respiration tôt comme ça. Donc, tous les jours. Donc, à un certain moment, on est contaminé. Hein. Et les gens meurent de, des fois plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Et vous, ça a changé vos habitudes alimentaires? Qu'est-ce que ça... Non, pas vraiment, pas vraiment. Continuer à vivre comme d'habitude. Bon, peut-être... en fait, c'est ce qu'ils disent, ne pas manger les cultures des graines qui sont entières. Peut-être sur terre, mais pas entières. Donc, ils sont directement en contact du produit. Donc, c'est pas toujours évident. On essaie de manger un petit peu bio, mais c'est plus cher. Donc, c'est pas évident. On vit avec, hein. Ça dit qu'on est déjà contaminé. Si ça fait du temps que... Là, on essaie peut-être de faire attention, mais il est peut-être déjà trop tard. Il est trop tard. En février 2017, le gouvernement français a demandé à l'ANSES de rendre un avis sur l'évolution des limites maximales de résidus viande. Est-ce que ces limites sont suffisamment protectrices de la santé des populations antillaises? Et là, on découvre, donc en décembre 2017, quand ça a été publié, qu'il y a eu une modification en 2013 par laquelle les limites maximales de résidus des viandes rouges en chlordécone sont passées de 20 microgrammes à 100 microgrammes en 2013 et elles sont passées de 20 microgrammes à 200 microgrammes pour les viandes blanches cette fois-ci. Bon, donc ça a été multiplié d'une part par 5, de l'autre côté par 10. Quelle est la conclusion de l'ANSES? Elle a constaté qu'en analysant le sang, l'urine et les cheveux des Antillais, ceux qui sont le moins impactés par le chlordécone sont ceux qui vont acheter dans les circuits officiels et singulièrement dans les grandes et moyennes surfaces. Ça veut dire que le conseil de l'ANSES pour rester en bonne santé, c'est qu'il ne faut pas manger local. Quand on consulte les documents de l'ANSES, donc on voit que elle respecte la méthodologie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour l'établissement des limites maximales de résidus chlordécone, pour l'établissement des valeurs toxicologiques de référence. Bon. Mais quand on se reporte au guide méthodologique de l'OMS, on s'aperçoit que l'OMS nous dit qu'aucune ingestion quotidienne de chlordécone n'est admissible. Aucune ingestion quotidienne. Bon. L'ANSES le savait, elle le savait. Pourtant, pour nous, on définit des limites maximales. Vous pouvez en manger tant. Elle est maire, c'est une norme politique. C'est une norme politique. L'État décide que la santé de la population, elle est préservée à partir de tel élément. Alors, on peut prendre l'analogie avec Fukushima aussi. Hein. Quand il y a eu une augmentation de l'irradiation, les normes, elles ont été élevées. On a invité les populations à manger plus contaminé pour sauver la production nationale et que ça leur ferait pas tant de mal que ça. Il y a un problème qui se pose. Sous Baïf, c'est pas très loin d'ici, c'est après Bastère, il y a un gros planteur qui met en jachère et qui donne aux étrangers, les Haïtiens, planter les tubercules. Et c'est pas contrôlé. Ils sont mis en jachère, ils touchent des subventions et ils donnent à les Haïtiens travailler. Les Haïtiens plantent de la tomate, des laitues, ils plantent des madères aussi et des patates, qui sont des tubercules. C'est interdit dans les terres à chlordécone. Et du coup, les Haïtiens vendent leurs fruits et leurs légumes? Ils vendent partout. Ils vendent partout, hein. Oui. Donc le chlordécone circule presque partout. Et quand il fait le réclame à la télé ou à la radio, il faut manger 5 fruits et légumes. Mais pour moi, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. On devait arriver à zéro chlordécone, puisqu'on sait cette poison. On ne peut pas dire à quelqu'un de manger la moitié de poison. Pour moi, c'est une blague, ça. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées. Elles ont été déposées à partir de 2006. Et la caractéristique de ces plaintes, c'est qu'elles ont été dépaysées au tribunal pénal de la santé à Paris. Et puis, l'instruction continue, quoi, depuis 2006. Pour l'instant, ça n'a débouché sur rien. Alors, bonjour Isbert. Oui, Isbert. Vous êtes où, à Petit-Bourg, vous ? Ouais, là, on est à Petit-Bourg, là. On est sur la belle, la magnifique plage de Viard. Isbert Calvados. Tout ça, c'est l'arrière-pays de Petit-Bourg. Et c'est là, ouais, que vous faites votre cueillette, alors ? La cueillette, c'est ça, c'est là. Les amandes sont à nos pieds, là. Ce sont ça, les amandes. Le badamier, amande locale, qui a une saveur extraordinaire. Ça fait partie de notre enfance. Tous les enfants de Guadeloupe dégustent ça. Voilà, on lave à la mer et on mange la peau. Mais ça fait longtemps que moi je suis dans une démarche de valorisation des produits locaux, parce que nous vivons une tragédie en Guadeloupe. Hein. Il faut pas se leurrer. Quand on parle chlordécone, on nous prend la tête avec ça. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le désastre. Et qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'il y ait réparation, que les vérités soient sur la table et que les coupables soient reconnus. Pourquoi pas juger ? Mais moi, ce n'est pas là où je mets mon énergie. Mon énergie, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ? Malgré la situation de chlordécone. Alors, le chlordécone, c'est quand le truc est dans le sol que ça contamine le produit. Il n'y a pas de chlordécone dans le fruit à pain, il n'y a pas de chlordécone dans le coco, il n'y a même pas de chlordécone dans la banane. Dès que le produit est hors sol, c'est ça. Donc on ne va pas prendre ça comme prétexte pour dire qu'on ne peut pas développer une agriculture qui soit à la hauteur et à la dimension du pays. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, c'est le pays où coule le lait et le miel. On n'a pas un pays aussi riche que la Guadeloupe. Il n'y a pas que la banane, il n'y a pas que la canne. Il y a le fruit à pain, il y a l'amandier, il y a le coco. Il n'y a pas une initiative locale pour prendre en main ce pays-là, pour prendre en main notre destinée et se dire, bon, ben écoutez, on a deux mains, on a deux pieds, on a une tête, on peut réfléchir. Commençons à valoriser nos produits locaux. Là, maintenant, ça démarre. Mais il y a tout un système qui est mis en place et ce ne sera pas évident de pouvoir renverser la tendance et arriver à cette souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on coupe les cocos et on jette tout ce qui est à l'intérieur. Alors qu'autour du coco, il y a plus de 100 métiers. Il y a plus de 100 métiers qu'on peut développer avec un cocotier. Il y a 100 métiers autour. Donc moi, quand j'ai lancé mon programme citoyen, bénévole, 1 million de cocos pour le pays, c'était ça mon but. Ouvrir les yeux des gens. Donc j'ai commencé à planter des cocos ici, je plante en Guadeloupe, on a un groupe d'amis, et le week-end, on va planter des cocos sur des propriétés privées ou publiques. C'est les mentalités qui doivent bouger, les mentalités qui doivent changer. À l'époque, on disait la banane, c'est manger pour les cochons. Le fruit à pain, c'est manger pour les cochons. On a grandi avec ça. Donc il fallait qu'on aille en supermarché pour acheter le riz, pour acheter les produits importés, pour se sentir bien. Et pour se sentir bien, c'est prendre son caddie et aller dans le supermarché. Et le produit qu'on a dans la maison, dans les jardins, ça pourrit. Moi, je vois des gens qui ont leur villa, qui ont planté le corossolier, qui ont planté le carambolier, qui ont planté le bananier et tout. J'allais lancer un truc en créole. Banane laka pourri à la couaille. Et qu'il a acheté un produit, des fruits en supermarché. Le corossol pourri dans son jardin et il va acheter des fruits en supermarché. Vos 2 kilos sont là. Merci. Oui, bonjour monsieur. Merci. Voilà. 8, attention. 8 euros. Le sirop, c'est Marie-France. Envoie pour Marie-France. Marie-France. Marie-France. Le sirop, c'est à combien? Combien le sirop? Oui, Doudou. 1 kilo, 1 kilo. Ouais, d'accord. Eh ben moi, je suis Flora, dit Kachopine. Alors, la Kachopine, en fait, c'est la fille à tout le monde, la fille qui sourit, qui aide tout le monde. Et je suis de Sainte-Marie et je travaille sur le marché depuis 10 ans. Marché couvert de la ville de Fort-de-France. Même s'il y a des contrôles, les gens ont peur. Parce que dès que c'est ancré dans la tête, tu as peur, hein? Tu as peur de t'empoisonner. Et en fait, on est empoisonné depuis belle lurette, puisqu'on est né dans le chlordécone. Les sources, tout ça, il y a du chlordécone. Dans l'eau, il y a du chlordécone. Dans tout, il y a du chlordécone. L'air qu'on respire, il y a du chlordécone. Et auparavant, on pêchait des écrevisses, mais il y a des chlordécones dedans. Mais on ne le savait pas, on les a consommés. Il y a 15-20 ans de ça, moi, je pêchais les écrevisses pour les faire bouillir à l'eau salée. Donc là, il y avait du chlordécone, mais il n'y avait pas une communication telle. Donc tout le monde consommait tout, et n'importe comment. Mais là, il faudrait qu'ils trouvent la solution. Ils informent dessus. Mais où est la solution qu'ils apportent au peuple portillais, au peuple martiniquais, au peuple guadeloupéen? Ils apportent quoi comme solution? Alors, ne mangez pas. Donc, il faut qu'on mange. Donc, on va manger des produits importés. Et les produits importés, est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'il y a... je ne sais pas, ils font des tests dessus? Non, ils n'en font pas. Pourquoi? Parce que ce sont les grands groupes toujours qui font entrer des produits avec plus ou moins de pesticides, eh ben pour vendre et empêcher le petit de travailler convenablement. Donc on tue les petits marchés pour que les grandes surfaces, les grands groupes puissent fonctionner convenablement. Se produit en 1860 un tournant historique et technologique. C'est l'apparition à la Martinique et en Guadeloupe des usines centrales, l'époque de l'or blanc. Parce que le sucre apporte une richesse considérable. Ça va durer à peu près, on va dire presque un siècle, 1860 jusqu'à à peu près 1960, avec une crise très grave. C'est le fait qu'apparaisse le sucre de betterave. Et donc, crise de l'industrie sucrière. 1960, l'année de la crise. Et donc, les béquets se disent, mais nous sommes en faillite, etc. Nous allons licencier. Et le gouvernement dit, mais non, on va vous aider. L'État français leur met à leur disposition 4 milliards. Et ça n'est pas un prêt. Hein. Ça n'est pas un prêt. Donc, on leur donne carrément 4 milliards. Et donc, ces 4 milliards qui sont donnés au béquet, elles vont servir à quoi? Eh bien, elles vont servir justement à développer, à créer de grandes surfaces. À partir de 1960, on crée des grandes surfaces. Mais c'est un coup de pouce considérable. C'est un argent qui permet au béquet, donc finalement, d'occuper la place économique de la Martinique, quasiment. D'un côté, les béquets ont un poids extrêmement important dans la vie économique et même aujourd'hui, j'ajouterai, dans la vie culturelle de la Martinique. De notre côté, sur le plan politique, ils sont totalement invisibles localement, mais ils ont une capacité d'action et d'accès au centre stratégique de décision, tant au niveau européen qu'au niveau national. Les béquets sont des judokas. Quel que soit la situation, ils arrivent à retomber sur leurs pieds et à en tirer le maximum de profit. Ils anticipent l'évolution lorsqu'ils ne la provoquent pas. Les béquets ont toujours un coup d'avance. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes un peuple issu du colonialisme. Ceci étant, il n'y a pas de frustration, c'est une réalité. Nous sommes dans un système post-colonial, à la libération de l'esclavage. La France a dédommagé ses propriétaires terriens, leur a versé de l'argent en dédommagement. Et ces anciens maîtres ont su profiter tout le temps de la vague. Ce qui fait que quand ils ont vu basculer l'industrie canière, et ils sont partis maintenant dans l'import-export, en tout cas dans l'importation. Et nous sommes donc issus d'une société qui bâtit aujourd'hui son économie sur le grand port en eau profonde de Jarry, sur l'importation. Et on est passé d'une société post-esclavagiste qui était une société très performante au niveau exportation à une société vraiment portée sur l'importation. On était à la libération de l'esclavage et au début de cette société post-esclavagiste, on était à 90% d'exportation, puisque tout ce qu'on faisait, c'était pour la métropole. Café, cacao, coton, on produisait. Et il y a eu cette inverse, ce renversement de la situation qui fait qu'aujourd'hui, on a 10% d'exportation et 90% d'importation. L'envie entière du côté du rayon surgelé est à 9,90€. Le sachet de 500 grammes. 9,90€ seulement, le sachet de 500 grammes de l'envie du côté du rayon fruits et légumes. Je pense qu'il y a, au sein de cette économie, qui reste quelque part marqué par les deux principes coloniaux du monopole et de l'exclusif, des mécanismes qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui et qui expliquent que le coût de la vie soit aussi élevé. La grande distribution a les moyens de contrôler les fournisseurs locaux et a les moyens aussi d'importer. Et elle réalise des marges considérables, notamment sur les produits de base. J'ai un ancien collègue qui avait fait un travail sur l'importation d'un carré de beurre. La marge qui était prélevée était considérable, du triple quoi. Il est donc à 13,70€, votre charbon au blé congelé, pimenté ou non, faites confiance, mesdames et messieurs, à votre chiffre intérieur. Il vous propose, bien sûr, des produits frais et à petit prix. Il y a un double jeu. Il y a le jeu de ceux qui maintiennent ce monopole. De toutes les manières, on a fait de la Guadeloupe un grand marché, une sorte de tube digestif. Moi, je suis horrifié de voir que les gens se targuent. Jarry, c'est la plus grande zone industrielle d'Europe. Les gens qui ont toujours gardé le monopole ne pensent pas changer. Ils vont toujours insister pour proposer de nouveaux centres commerciaux. Ils vont toujours insister pour proposer plus de produits. Ils vont toujours insister. Maintenant, qui aurait pu changer la donne? Ce sont nos politiques. Puisque eux-mêmes, malheureusement, souvent, sont pris dans l'engrenage de cette dynamique économique liée à l'importation. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait vivre la région? C'est l'octroi de mer. Et l'octroi de mer, c'est quoi? C'est une taxe prélevée sur l'importation. Vous voyez le cercle vicieux. Donc plus il y a d'importation, plus il y a d'octroi de mer, plus il y a de l'argent pour faire fonctionner la région. Qui voudra sortir un jour de ce système-là? C'est une économie de dépendance, volontairement assimilée. Nous sommes dans l'assimilation totale, dure et radicale. Et aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'on pourra sortir de ce système-là comme ça. Alors, on a une population qui a été pétrie dans ce système-là et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde vit des minima sociaux. Alors, on passe notre temps à attendre le 5 du mois pour aller à la poste. Aujourd'hui, au taux de chômage, on doit être des jeunes, là, des moins de 25 ans, qui doivent être au chômage à hauteur de 40-50%. La population de la Martinique est en train de diminuer du fait du départ des jeunes auquel on offre guère de perspective avec une telle situation économique. Diminution de la population accompagnée de vieillissement accéléré. La Martinique qui a frôlé les 400 000 habitants dans les années 90, aujourd'hui, à peine 370 000 habitants. Par conséquent, il faut réinventer un modèle de développement pour ces territoires. Des territoires qui, par ailleurs, ça c'est l'un des bienfaits de la départementalisation, ont néanmoins des ressources, ce que j'appelle des ressources immatérielles. La Martinique, c'est aussi le cas pour la Guadeloupe, ce sont des territoires où il y a le plus de diplômés par kilomètre carré. 70 000 chômeurs dans un petit territoire de 300 000 habitants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui étudient, qui veulent étudier, on les encourage maintenant à l'exode, à partir Canada, Europe de l'Est, Roumanie. Résultat des courses, les jeunes ne reviennent plus en Guadeloupe. Donc le pays est en train de se vider de sa force vive. Il n'y a plus de Guadeloupéens dans l'agriculture en Guadeloupe. Qui fait l'agriculture en Guadeloupe? Ce sont les Haïtiens. Et la force même du peuple est partie. Sa jeunesse est partie. Et les gens qui viennent là, ils ne viennent pas pour la révolution. Ils ne viennent pas pour honorer un pays ou le relever. Ils ne viennent pas pour sa culture. Ils ne viennent pas pour sa tradition. Ils ne viennent pas pour sa musique. Ils viennent pour le ventre. Or, les gens qui ont le lobby, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne cherchent pas des têtes, ils cherchent des ventres. Vous voulez que je vous parle de la route du Rhum? Mais voilà, ça a été quand même un mois de fête. Un mois de fête sur le territoire pour 40 ans de la route du Rhum. Je n'ai rien contre les skippers, les bateaux et tout ça. Mais j'ai eu envie de vomir, je peux vous le dire. Hein. Un mois de fête. Tous les soirs à Jarry, il y avait un méga concert. Gratuit. Tous les artistes. Et puis il y avait la fête aussi à Basse-Terre. Deux podiums. Un à Basse-Terre, un à Pointe-à-Pitre. Tous les soirs. La fête, la fête, la fête, la fête, la fête. La route du Rhum a fini. Là, c'est chanter Noël. Donc ce sera la fête, la fête, la fête, la fête. Et puis après chanter Noël, le carnaval arrive. Premier week-end de janvier, le carnaval. Deux mois. Tout le monde est dans la rue. Etc. Moi, je me dis, mais quand est-ce que ce peuple-là commence à travailler réellement? C'est bon pour le moral. C'est bon, bon, bon. C'est bon pour le moral. On dit qu'il paraît que la misère est moins dure au soleil. Et surtout quand ça danse. Alors les politiques ont compris. Ils sont capables de dépenser des milliers et des milliers d'euros rien que pour faire danser les gens, la population, la masse de la population. Et il y a des problèmes existentiels qui sont posés aux Guadeloupéens. Le chlordécone, c'est ça. Cancer de la prostate. Cancer du sein. L'hôpital, c'est une précarité sanitaire incroyable. Jamais un CHU n'avait brûlé en France. Jamais un département ne s'est trouvé dans une situation pareille. Il y a une précarité sanitaire explosive en Guadeloupe. Les coupures d'eau, la tuyauterie est foutue. Donc on perd plus de 60% de l'eau qui part dans le sol. Mais c'est vraiment une abomination, une plaie terrible en Guadeloupe. On peut rester 24 heures sans eau. Imaginez-vous si un tiers du territoire de la France était pollué. Il n'y aurait pas eu que les gilets jaunes dans la rue. Et ça fait longtemps qu'il y aurait eu une révolution. Et on aurait déjà coupé sur la place publique des têtes. Il y a un tiers du territoire de la Basse-Terre qui est pollué. Et on s'amuse, on rigole, et on traîne, et on... Voilà. Donc, il y a de quoi réfléchir un petit peu. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous sur le même bateau. Mais le problème, c'est qu'on ne voit personne, mais aucune tête qui émerge pour prendre le bateau et le sortir de cette mer déchaînée. De cet océan en furie. On n'entend plus parler des intellectuels guadeloupéens. Et on a eu les événements de mai 67 en Guadeloupe. On a tué Kiki, Jackie Nestor. Il y a eu les velléités du gong. Et depuis, j'observe, on n'entend plus vraiment les nationalistes. Il n'y a que le LKP avec Elie Domouta qui, de temps à autre, fait, il y a eu le mouvement de 2009. Il y a eu de la désinformation qui fait qu'une partie de la population a fini par dire « C'est à cause du LKP que les gens ont perdu leur travail, que des entreprises guadeloupéennes ont fermé. » Donc le LKP porte une sorte de lourde responsabilité par rapport aux 44 jours de grève. Et comme l'économie était déjà tellement fragile, voilà. Je ne sais pas, mais celui qui va proposer qu'on prenne notre indépendance, il faudra qu'il soit costaud. Il faudra qu'il soit costaud parce qu'il faudra l'expliquer à la population. Oui, on va se débrouiller tout seul, on va bouffer des trucs empoisonnés toute la journée. Bon. De quelle autosuffisance pouvons-nous maintenant parler ? Avec des sols contaminés, de l'eau contaminée, avec tout contaminé, avec une chaîne alimentaire contaminée, les revendications, elles ont changé. Ce ne sont plus des revendications politiques, ce sont des revendications hygiénistes. Nous voulons un TEP scan pour détecter nos cancers. Nous voulons un CHU mieux organisé, etc. Bon, et désormais, les gens pensent avec angoisse, que ferons-nous si jamais la France n'est plus là ? Sur toute une série de plans, l'autosuffisance, la santé, la paye des fonctionnaires. Vous savez, une île, par exemple, de la Caraïbe comme Barbade, a licencié toute une série de fonctionnaires parce que Barbade ne pouvait pas faire face, si vous voulez, à ses dépenses. Et donc, par conséquent, c'est en réfléchissant à tout ça que les gens aujourd'hui se disent que l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour. Bien sûr qu'il y a de la peur. Il y a des gens qui entretiennent aussi la peur. Et le symbole de ceux qui entretiennent la peur, c'est l'état dans lequel se trouve aujourd'hui un pays comme Haïti. Nous sommes très proches des Haïtiens. Césaire disait que c'est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Et nous sommes très sensibles à ça. Mais en même temps, évidemment, personne ne souhaite se retrouver dans la situation dans laquelle se retrouve Haïti aujourd'hui. Le chlordécone, un polluant néocolonial. Avec Justin Daniel, Philippe Verdol, Isbert Calvados, André Lucrèce, Théodore Gisnel et Flora. Archive INA, Véronique Jolivet. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Abolivier. Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Éric Villenfin. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffie Mariani.